crois moi vois je t'oublie déjà qu'il fait beau quel soleil que de bleu dans le ciel ce jour là comptera pour moi vois qu'il fait beau quel beau jour Rejoins-la, ne dis rien, sois heureux sans moi. Vois, je t'oublie déjà. Qu'il fait beau, quel soleil.